mélancolique soliloque sur un banc près d'un lac. Un désir atavique soudainement m'évoque dans ce vide où je vaque. Pénélope antique qui loin du monde en toque se languit à Ithaque. Dans mon rêve extatique, je toque et je retoque, à la porte j'attaque. Mes coups sont comiques, une sirène se moque, et même Télémaque. C'est un paralytique qui porte ici les stocks, à quelle fébrile attaque. Serait-ce un moustique, un pivert, tic-tac-toc, les gens rient à Ithaque. Non, c'est un alcoolique, un pauvre type, une loque, sur un banc près d'un lac. D'un rêve érotique et sans moindre équivoque pour la reine d'Ithaque. Mélancolique soliloque sur un banc près d'un lac. Mélancolique soliloque sur un banc près d'un lac.